But Nigel just needs that helping hand. And if young Nigel says he's happy, he must be happy, he must be happy, he must be happy in his world. Il y a bien longtemps, dans Pop and Rock, sur la très locale Radio Val-de-Rhin, nous utilisions une belle machine à voyager dans le temps, mais face à ses mauvais fonctionnements, nous avions décidé de la mettre au rebut. J'avais donc rempli un formulaire en triple exemplaire pour un nouvel achat que j'avais envoyé au service fourniture de RVR. Et ce matin, ma nouvelle machine à voyager dans le temps est arrivée. La preuve, le morceau que nous venons d'écouter qui date de 1979. Le groupe c'était XTC, le morceau Making Plans for Nigel, que de souvenirs. Mais pas de rêverie, je règle la machine sur 1980 pour retrouver Blondie qui ne cessait alors de m'appeler. Yeah. Je suis donc resté quelques heures en 1980, j'en ai profité pour revoir le film American Gigolo, dont la BO se composait notamment de Call Me, que nous venons d'entendre. Pour la petite histoire, Blondie, c'est pas le nom de la chanteuse, mais celui du groupe. La chanteuse s'appelle Deborah Harry. Réglage 1982, on retrouve XTC, Senses Working Overtime. Plus de 1982, on fonce en 1984 pour écouter les pères fondateurs du rock grunge. On retrouve Bob Mould à l'époque de You Scored You avec le titre Turn on the News. Attention, ça a bougé déjà fort en 1984. Youskerju, pourquoi je les présente comme les fondateurs du rock grunge? Tout simplement parce qu'au travers de mes lectures, j'ai appris que Nirvana avait suivi la route ouverte par Bob Mould et ses potes. Oui, ça bougeait fort en 84. Par contre, le morceau que je trouve en 86, c'est un troisième titre de XTC, Dear God. People that you made in your image, see them starving on their feet, 'cause they don't get enough to eat from God. Can't believe in you. Dear God, sorry to disturb you, but I feel that I should be heard loud and clear. We all need a big reduction in amount. Si 1984 était marqué par l'énergie des Youskerju, 1986 était plus apaisé peut-être grâce à des groupes comme XTC. Belle préparation pour 1987, année de la diva chauve irlandaise aux pieds nus, Sinéad O'Connor. Thank you. 1987 était aussi l'année de sortie d'un album de R.E.M. sur lequel on trouvait le méconnu The One I Love. On pose donc les manettes de notre machine à voyager dans le temps pour R.E.M. The One I Love. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to Un an plus tard, voici 1988 et après la douceur du rock de R.E.M., nous accueillons en cette belle année musicale l'énigmatique Tanita Tikaram et la Family Funk des Womack & Womack. Don't care about their different thoughts.

Et voilà donc les années 90, décennie de la Britpop. J'ai choisi l'année 1997 pour retrouver un des groupes iconiques de cette époque, Blur, avec le morceau Song 2. Ce soir dans Pop and Rock, c'est un voyage dans le temps que nous vous proposons et je pense qu'il est temps de quitter le 20e siècle pour entrer dans le 21e et plus particulièrement en l'année 2004 pour retrouver l'hyperactif David Eugene Edward avec un de ses groupes, Wovenhand. Does he endeavor to persevere? Close mantle to knives and kisses, just like when you were here. What little he had from him it was taken, for in the small things he could not be trusted. Arrowhead, arrowhead, Ramona City rusted, nailed to the floor by an old time gaze. Who is to come, given to other lips and spoken on other tongues? Where are you and where have you been? Hold fast, till he come again. To remember the white of the page, the black of the ink, thrown overboard lest the whole ship sink. You talk this way as you go walking, weaving your way through the straw. It comes so slow and leaves so quick. Under grace, yeah, we strike the stricken laws. Given to other lips and spoken on other tongues. Where are you and where have you been? Hold fast, till he come again. for the listen, spoken on other tongues. Where are you and where have you been? Hold fast till he come again. Si vous avez aimé ce titre, allez fouiller dans votre bibliothèque musicale en ligne ou sur YouTube et cherchez David Eugene Edwards ou encore Wovenhand ou encore 16 Horsepower. Vous y trouverez certainement des pépites à écouter sans fin. De mon côté, je règle mes écrans sur 2012 pour me retrouver au milieu des filles de Warpaint. Gets crazy, right? Retenez bien 2012 pour un des plus beaux albums des Rican de Warpaint. D'ailleurs, on va rester aux États-Unis pour retrouver les gars d'Atlanta, amoureux des groupes de Manchester, d'où leur nom Manchester Orchestra, qui en 2013 nous offrait Cope. En 2013 avec Manchester Orchestra, nous voilà donc presque rentrés, mais avant, programmation de l'année 2016 pour retrouver l'ex-chanteur des Verve, Richard Ashcroft, qui chantait alors These People. Come on, baby, we're a little stronger. Christmas on Earth without the E.R.I.D. Imagine my life without your morning smile. That look of love that says, stay a while. These people send to test us, send to play with our minds. Come on, baby, we're a little strong. Bon ben, notre voyage touche à sa fin, plus que deux étapes, 2019 puis 2020. Commençons donc par nous rendre en 2019, année de parution du dernier album du chaotique Brian Johnstone Massacre, avec le titre Drained. Lost. Rappelez-vous, 1984, c'était l'énergie de Husker Du qui nous accompagnait. Eh bien, en 2020, presque 40 ans plus tard, on retrouve Bob Mould qui clôt ce pop and rock intertemporel. Et sur ce, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Et bis à tous.